Nico Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 octobre 2018. Voici les grands titres. Le facilitateur Mkapa vient de clôturer la cinquième session du dialogue inter-burundais qui s'est tenue en l'absence du gouvernement et du parti au pouvoir. Mais les espoirs restent de mise quant aux décisions du médiateur Museveni et des chefs d'État de la sous-région pour la recherche des solutions à la crise burundaise. Ce sont des espoirs formulés par les participants à cette session. Mais le professeur Julien Limouona, politologue, reste pessimiste. Vous l'entendrez dans ce journal. Un atelier de moralisation à l'endroit des communicateurs de différentes institutions et des journalistes se tient à Mourandia depuis ce matin et vise la promotion du journalisme en tenant compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans ce journal également, l'homme politique David Niyonchungu, ex-secrétaire du parti Frodebu Nyakuri, a été arrêté ce dimanche de retour de son exil en Ouganda. Le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, nous dira que ce politicien est poursuivi pour des propos qu'il a tenus, selon lesquels il allait s'associer aux auteurs du coup d'état manqué du 13 mai 2015. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je venais de vous le dire, l'homme politique David Niyonchungu, ex-secrétaire du parti du parti Frodebu Nyakuri, a été arrêté ce dimanche de retour de son exil en Ouganda. Selon Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, ce politicien est poursuivi pour les propos qu'il a tenus, selon lesquels il allait s'associer aux auteurs du coup d'état manqué du 13 mai 2015. Il précise qu'il est pour le moment emprisonné au cachot du commissariat provincial de Mourandia. Suivez Pierre Nkurikiye. Il a été appréhendé la nuit d'hier dimanche à Bugarama, c'est dans la province de Mourandia. Il est maintenant incarcéré au commissariat provincial de Mourandia. Il venait de l'Ouganda. Il est en train d'être interrogé sur les propos qu'il a tenus sur les médias de la haine des putschistes burundais basés en Ouganda. Il avait quitté le pays il n'y a pas longtemps. Et alors que personne ne le cherchait ici au Burundi, arrivé au Rwanda chez ces médias, il a commencé à déclarer qu'il est pourchassé par le pouvoir et par les institutions burundaises. Il a même commencé à attaquer certains autres politiciens restés ici au Burundi. Et pire, il a déclaré qu'il allait s'associer aux putschistes. Et dès que l'enquête sera terminée, le dossier va être transmis à la justice. Est-ce que s'associer avec d'autres politiciens, c'est notamment au Sénarède, il n'a pas ce droit de faire la politique? Au Sénarède, c'est vous qui le dites. À travers ces médias, il avait déclaré qu'il allait s'associer avec les putschistes. Et vous savez tous les crimes que les putschistes ont commis. Et d'ailleurs, on est en train aussi de vérifier s'il n'était pas venu pour poursuivre les projets criminels ici au Burundi. Pierre Nkurikiye, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, au micro de Mireille Kanyangé. Et les deux se trouvent à Mourandia pour une séance de moralisation en faveur des journalistes et des communicateurs de différentes institutions du pays. Et c'est une séance que le ministre de la Communication et des Médias a ouverte. En s'exprimant à l'ouverture de cette séance à Mourandia, il a déclaré que diffuser des informations bien vérifiées et susceptibles de conduire au développement reste la préoccupation du gouvernement du Burundi. Le ministre Frédéric Nahimana a déclaré que l'objectif de cette rencontre est de promouvoir le journalisme tenant compte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Suivez le ministre Frédéric Nahimana, traduit en français par Charles Makoto. Dusubiye guhurira muri intara ya Mourandia mu ntumbero y'ukongera kurabira hamwe ukumuga ukomeye. Nous nous rencontrons de nouveau dans cette province de Mourandia pour voir ensemble comment le métier du journalisme peut poser un pas de plus dans le but d'aller toujours de l'avant en se référant à ce qui change du jour au jour dans le métier et en se basant à la nouvelle technologie. Ce rendez-vous vient compléter d'autres occasions qui ont été organisées sur base de la préoccupation de l'État de contribuer au développement de la population à travers la diffusion de l'information bien vérifiée et qui mène au développement. Ce rendez-vous est également une occasion de soutenir toute personne qui travaille d'arrache-pied et faire un clin d'œil à celui qui n'a pas été à la hauteur de ses fonctions en lui encourageant de faire un pas de plus dans ses fonctions. Ce rendez-vous arrive après que le Conseil national de la communication ait donné le rapport sur l'exercice du métier au cours des trois derniers mois.

l'opposition ne doit pas non plus radicaliser toutes ses offres. Il faut que chacun se mette en tête qu'il y a une échéance, qu'il y a un agenda, mais qui ne doit pas être non plus un blocage. Mais l'essentiel, c'est que les deux parties fassent des pas les uns vers les autres. C'était le professeur Julien Nimouona. Il est politologue. Il répondait aux questions de Placide Niyomwongere. Je vous l'avais dit dans les titres, le facilitateur dans le dialogue interburundais a clôturé ce matin la cinquième session du dialogue interburundais qui s'est tenue en l'absence du gouvernement et du parti au pouvoir. Dans son interview accordée aux journalistes après la clôture de la session, le conseiller principal du facilitateur a indiqué que Benjamin William Mkapa a bien apprécié le document qui a été produit par les participants. David Kapia a ainsi précisé que c'est le sommet des chefs d'État de l'EAC qui produira la feuille de route finale à base des propositions formulées. Suivez-le, il est au micro de Francine Ndihokubgayo, c'est notre envoyé spécial à Arusha. Vous voudrez bien nous excuser. Nous attendons l'interview du conseiller principal du facilitateur Benjamin Mkapa qui s'appelle David Kapia. La cinquième session du dialogue inter-burundais vient de clôturer, vient de se terminer. Parmi les participants, il y avait les anciens présidents, les anciens vice-présidents, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le leader des partis politiques à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur du pays, les acteurs politiques clés de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont travaillé pendant 5 jours. Ils ont aujourd'hui produit un document, une feuille de route consensuelle qui contient des propositions qu'ils ont soumises aux facilitateurs ce matin. Les facilitateurs ont beaucoup apprécié le fait qu'ils ont pu travailler ensemble comme un groupe sans problème aucun. Alors, le facilitateur va maintenant faire une évaluation de la feuille de route de Kayanza, la feuille de route d'Entebbe et cette feuille de route afin qu'ils puissent maintenant aller vers le médiateur. Le président ougandais, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, qui est médiateur, et lui rendre compte. Après tout ce travail maintenant, le médiateur, le président Museveni, va soumettre au sommet les propositions. Ensuite, le sommet va donner la feuille de route. Isanganiro, la radio de l'avenir. La formation Aigle Noir de Makamba est provisoirement leader du championnat national de football en première division. Après avoir battu samedi dernier Atlético Olympique 7-0, cette formation a 35 points. À la 13e journée de l'équipe de Vitalo qui a mal commencé, le championnat s'est classé 5e ce dimanche après avoir battu Ngozi City 3-0. C'est au moment où le club messager Bujumbura est en dernière position après avoir perdu samedi le match contre messager Ngozi. Évariste Nzikobanyanga. Décidément, on a quelques soucis techniques. Évariste Nzikobanyanga nous donne les détails de ces matchs qui se sont joués ce week-end. À la 13e journée du championnat national de football en première division, Aigle Noir de Makamba a continué à montrer qu'elle s'est bien préparée pour le championnat de cette année. Lors du match qu'elle a livré samedi au stade Rumuri de Ruyigi contre Atlético Olympique de Bujumbura, cette formation du sud du pays a remporté ce match sur le score fleuve de 7-0. La formation Aigle Noir est provisoirement à la tête du championnat avec 35 points. Elle a déjà gagné 11 matchs et n'a égalisé que 2 fois. Une autre équipe qui a gagné le match du week-end dernier, c'est Messager Ngozi. Elle a battu Messager Bujumbura 2-0. Cette victoire a poussé cette formation à passer de la 15e place issue de la 12e journée à la 13e place avec 13 points. Cette formation a déjà gagné 3 matchs. Elle a égalisé 4 fois avec 4 défaites. Cela étant, cette équipe d'Ngozi représentera le Burundi au prochain championnat d'Afrique des clubs champions. Ce club en difficulté ayant été champions la saison dernière. L'équipe de Vitalo s'est classée provisoirement 6e ce dimanche. Elle a gagné le 4e match consécutif. Vitalo s'est imposé 3-0 au stade des Prince-Rue-Guagasore contre Ngozi City d'Ngozi. Cette équipe, qui elle aussi a mal commencé le championnat en cours, a 19 points. Elle a déjà remporté 5 matchs avec 4 égalisations et 4 défaites. A noter que le club Vitalo, qui a remporté la Coupe du Président la saison dernière, représentera le Burundi au prochain championnat d'Afrique de la Coupe de la Confédération de la CAF. À la 13e journée, l'équipe messager Bujumbura, en difficulté, est 16e et dernière du championnat avec 6 points. Évariste Nzikobanyanga, santé. Avant l'actualité internationale, la maladie dite AVC, accident cardiovasculaire, est causée par la formation d'un caillot de sang qui bouche une petite artère, du cerveau, ou peut aussi se manifester par une hémorragie. Les explications sont du docteur Marc Nimburanira. Il est cardiologue et spécialiste des maladies vasculaires au moment où le monde célèbre ce 29 octobre la journée de lutte contre cette maladie. Certaines des causes de l'AVC sont le trouble du rythme cardiaque, le rhumatisme articulaire et les angines non traitées à l'enfance. Docteur Marc Nimburanira dit que cette maladie est curable lorsqu'elle a été diagnostiquée à temps, mais signale qu'elle conduit en général à la paralysie ou à la mort du patient. Suivez. Les causes de cette maladie sont de deux origines. La première cause, c'est une maladie athérothrombotique. Et la deuxième cause, ce sont des causes emboliques. Ça veut dire que les causes ne sont pas au niveau des vaisseaux, ça se trouve ailleurs, au niveau du cœur. Au niveau de la maladie athérothrombotique, il s'agit des plaques d'athérome qui se sont constituées progressivement, et le degré de constitution de ces plaques dépend de la façon dont vous avez contrôlé les facteurs de risque cardiovasculaire. Si les facteurs de risque cardiovasculaire dont je vous ai parlé ne sont pas bien contrôlés, ces plaques se constituent rapidement et la lumière de ces artères est rétrécie de plus en plus. Si ces facteurs de risque cardiovasculaire ne sont pas bien contrôlés, ces plaques sont fragilisées. Étant fragilisées, il y a une blessure qui se constitue au niveau de ces plaques d'athérome et au niveau de la plaie de la plaque, les plaquettes qui sont des éléments du sang vont faire un caillot. Ils vont s'agglutiner, ils vont former un caillot. Lequel caillot n'est pas stable va se libérer et va boucher les artérioles qui sont au-delà. Et les autres, je vous parlais au niveau des étiologies, les causes emboliques. Il s'agit des maladies du cœur. Lesquelles maladies peuvent entraîner la formation des caillots à l'intérieur des cavités du cœur? Et ces maladies, c'est surtout les troubles du rythme, en l'occurrence, une fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, c'est le cœur qui bat très vite, les oreillettes qui fonctionnent très rapidement. À part la fibrillation auriculaire, les maladies valvulaires, ici dans nos pays, il s'agit surtout le rhumatisme articulaire, les valvulopathies rhumatismales, qui sont secondaires aux angines qui n'ont pas été traitées en l'enfance, et vous voyez, les angines qui n'ont pas été traitées peuvent conduire à un AVC ischémique à l'âge adulte. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, au Brésil, le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été officiellement déclaré dimanche soir élu à la présidence du Brésil par le tribunal supérieur électoral avec 56% des voix contre 44% pour son rival Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs. En Indonésie, un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air, qui transportait 188 personnes, s'est abîmé ce lundi matin au large des côtes peu après son décollage de Jakarta, ont annoncé les autorités en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika sera candidat à sa réélection en 2019. C'est une annonce du chef du Front de Libération Nationale FLN, Richard Kubgarugira. Le candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a été élu haut président du Brésil avec 55,70% des voix contre 43,30% à son adversaire de gauche, Fernando Haddad, selon les résultats partiels officiels communiqués par le tribunal supérieur électoral après dépouillement de 88% des bulletins. Nous allons changer ensemble le destin du Brésil, a déclaré dimanche soir le président élu de la République du Brésil, Jair Bolsonaro, dans son premier discours sur Facebook après l'annonce de sa victoire au deuxième tour de la présidentielle. Quelques 57 millions de Brésiliens ont voté pour départager le surfilé candidat d'extrême droite qui était le grand favori de son adversaire du Parti des Travailleurs, de l'ex-président emprisonné Lula. Jair Bolsonaro succédera à Brasilia au président Michel Temer pour un mandat de 4 ans au 1er janvier 2019. En Indonésie, un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air, qui transportait 188 personnes, s'est abîmé ce lundi matin au large des côtes peu après son décollage de Jakarta, ont annoncé les autorités. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 6h30 heure locale. L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka au large de Sumatra. L'avion s'est écrasé dans l'eau, a déclaré l'AFP. Youssouf Latif, porte-parole de l'agence chargée des recherches, ajoutant que ses services étaient en train de chercher les restes de l'appareil dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres. Chef d'État depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika ne s'exprime plus en public depuis son AVC en 2013. Il devrait briguer un cinquième mandat en avril 2019. Il aura 82 ans et briguera un cinquième mandat à la tête de l'Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera le candidat de son parti, le Front de Libération Nationale FLN, pour l'élection présidentielle prévue en avril 2019, a affirmé dimanche soir Jamel Ould Abbès à la tête du FLN. Pressé par son cas depuis 6 mois de briguer en cinquième mandat, le chef de l'État, diminué d'un accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013, ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, comme nous le lisons sur la page internet de la radio RFI. Richard Koubgaru-Guira, c'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean-Bosco Ouimana. Nous vous souhaitons un bon après-midi.